Mais là, s'il y avait un référendum demain matin au Québec, qu'est-ce que vous feriez? Une question purement politique. Il n'y en aura pas de référendum. Voyons, arrêtons de nous faire de vivre dans une bulle. Il n'y aura pas de référendum au Québec. Prix de l'essence, il est en hausse constante, mais lui au moins n'est pas manipulé par les pétrolières. Voici votre animateur, Jean-Philippe Vautier. Merci tout le monde, bonsoir. Il est à peine 19h, la soirée est encore jeune, ce qui va nous donner amplement le temps de s'inscrire au registre des armes à feu, comme l'a ordonné le juge Blanchard en début de semaine. Bonsoir Fred. Bonsoir. Toute une victoire pour le Québec. Une victoire. Le gouvernement fédéral ne pourra pas détruire les données québécoises et devra les remettre au gouvernement du Québec. Oui. Est-ce que vous êtes inscrit au registre des armes à feu, Fred? Non, l'ironie n'est pas encore considérée comme une arme d'épaule au Canada. Ça s'en vient. Parlant d'ironie, il y a Luc Harvey, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est l'ancien chef du Parti conservateur du Québec qui a poussé très fort le concept. Hein, quand son parti a affirmé, en fait, que Pauline Marois devait prendre le blâme pour l'attentat dont elle a été victime. Ouais, c'est un cas isolé, là. L'attentat? Non, Luc Harvey. Oui, ça c'est... Ouais, d'ailleurs, c'est sûrement pour ces propos-là qu'il a dû démissionner cette semaine, hein? Même s'il prétend quand même que c'est pour des raisons familiales, hein, ça, évidemment. Ça doit être assez prenant, être chef non élu d'un parti sans député. Là. Ben là, des raisons familiales, comment? Dans son cas, ça doit être la consanguinité, j'imagine. Bon, Fred, franchement, premièrement, avez-vous des preuves qui viennent du Saguenay, OK? Non, franchement, là. Non, vous êtes dur, Fred, vous êtes très dur. Vous êtes presque aussi dur que Pierre-Carl Pelado aux audiences du CRTC. Quoi, le CRTC consanguin? Pense pas. Pierre Pelado non plus, ou Pierre Cal non plus. Parce que regarde, il a quand même comparé la fusion Bell Astral à l'empire médiatique de Silvio Berlusconi. C'est pas rien, ça, quand même. Faut quand même avouer, là, c'est savoureux d'entendre Pierre Cal se plaindre de convergence d'un autre. Hein. Ouais, ça quand c'est même, vrai. En tout cas, moi, ça m'inquiète pas, cette fusion-là. Moi. Non, vous êtes pas du même avis que le collectif d'artistes qui a signé une lettre pour alarmer la population? Mais là, c'est pas un collectif d'artistes, là, c'est le payroll le Québécois qui a signé ça. Là, t'as peur. Mais vous avez pas peur que les prix augmentent? Pas pantoute. PKP a pas besoin de personne pour craquer les prix, capable de faire ça très bien lui-même tout seul. Parlant de convergence et d'empire maléfique, il y a l'Iran et le Canada qui le sont de moins en moins convergents. Et selon certains, là, ça peut laisser présager une guerre contre l'Iran. Attends une minute, ils ont quasiment l'arme nucléaire. Là. Qu'est-ce qu'on a, nous autres? Gentil deux. Ben oui, mais c'est faut ça. Faut se dépêcher. Ouais, faudrait se dépêcher. Faut se dépêcher, ça achève. Mais là, de toute façon, là, prenons notre gaz égal, comme dirait Lucien. Ils ont juste fermé l'ambassade là-bas. C'est vrai. On est en restriction budgétaire. Faut faire des choix douloureux. Hein? Puis si on veut, on veut des saucisses qui ne jutent pas sur le barbecue, ben, faut libérer de l'argent quelque part. Hein? Ouais, mais là, si ça jute au Moyen-Orient, on va être cuit, là. Ça ne jutera pas au Moyen-Orient. C'est sec là-bas. Ils ont même pas d'eau. Ils sont tous desséchés. D'ailleurs, une gang qui était visiblement mal hydratés là, cette semaine, c'est les Libyens. Hein. Ben oui, ils sont comme tout le temps. Hein? Ben oui, ils sont tant. D'ailleurs, ils n'ont pas hésité à attaquer le consulat américain, 4 Américains, dont l'ambassadeur, qui ont été tués par des musulmans en furie, paraît-il. Hein? D'ailleurs, les agresseurs étaient bien insultés suite à la diffusion d'une vidéo de très, très mauvais goût. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, Frère. Oh oui, j'ai regardé. Puis effectivement, c'est offensant. Hein? Ouais. Les textes sont nuls, les perruques sont ridicules, réalisation approximative. Je me suis senti vraiment insulté. Ouais, moi aussi. Hein? Mais Radio-Canada maintient que Adam et Ève de Claude Meunier va demeurer en nom. C'est de la provocation. C'est de la provocation. Et c'est même sur tout TV, ça. Hein? C'est même sur tout TV, ça, Fred. Ah, d'ailleurs, ce serait un bon moment que le ministre Moore fasse de l'ingérence là-dedans, là, pour une fois, non? Les jeunes ne peuvent pas regarder ça. Ils vont arrêter d'aimer la TV. On s'ennuie quasiment de la porno française. C'est tout dire. Moi, je m'en ennuie. En tout cas, parlant de porno, là, j'ai très hâte de recevoir ma presse de demain matin, juste pour voir si l'essence va être nommée personnalité de la semaine. Ben oui. Hey, j'ai hâte de lire ça. D'ailleurs, j'ai aussi hâte d'entendre l'entrevue avec René lundi matin. Hein? Ouais. Et que ça va être bon. Ça va être sans plomb, je pense. Non, mais c'est quelque chose. Merci. Non, mais c'est quelque chose, par exemple, parce qu'il paraît que depuis 2008, le prix a augmenté de 75%. Moi, ça me fait penser à quelque chose, cette augmentation-là. Là. Les automobilistes devraient manifester comme les étudiants. Ben hein? Oui. Puis ils pourraient demander des prêts et bourses, hein, tant qu'ailleurs. Non, juste des prêts. Parce que les bourses, c'est les pétrolières qui l'ont, 9 milliards par année. C'est vrai, quand même. Non. Et parlant de gaz, on reçoit deux personnalités qui sont associées de près ou de loin à gazoline à soir. Non, quand même, c'est vrai. Tout d'abord, on reçoit le théoricien anti-automobile Richard Bergeron, qui a d'ailleurs une théorie sur tout, paraît-il, et particulièrement sur la mairie de Montréal en 2013, chef de projet Montréal. Ah oui, il y a des projets à Montréal. Je sais pas. Et Jacques Duval, Duval, gourou de la voiture, qui vient de publier son 188e guide de l'automobile, paraît-il. Alors, lui, là, non, mais il traite tellement ses chars qu'il a commencé à faire ses guides, les chars n'existaient même pas. Arrêtez donc. Ah ouais, il faisait des tests de route avec des poneys. Ah, un vrai passionné. En ce cas, prenez le temps de vous asseoir, de vous ouvrir une petite voie de la soirée est encore jeune. Oh! Ah, merci d'être à l'écoute encore une fois. Olivier, pour ceux qui préfèrent les internets, on fait comment? Ben oui, ceux-là peuvent nous suivre au twitter.com/lasoirée, mm-hmm. facebook.com/lasoirée ou se rendre sur notre site radio-canada.ca/lasoirée pour écouter des sketchs inédits quand on n'a pas réussi à les faire entrer dans l'émission. Ben oui, c'est ça. Ça arrive de temps en temps. Oui. Grosse, grosse semaine d'actualité encore une fois. Hein. Hey, tellement qu'on n'a pas parlé du procès pour lobbying illégal du Dr Barrett. Hein. Ça a été reporté en 2014. Hein. Ben oui, il paraît qu'ils vont rénover le palais de justice. Hein? Comment ça, faut qu'il rénove? Ben, en tout cas. Ah! Non, non! Wow! Hey, Fred! Faites-moi pas dire ce que j'aurais dû dire. Non, non, non, regarde. Il y a un gros égo. Bon, c'est ça. Yeah. Rentre pas dans la porte, franchement. Pour ça. Bon, hey, c'était cette semaine qu'Apple dévoilait son tout nouveau iPhone 5. Hein? Stupeur et tremblement dans la communauté de fanatiques d'Apple. Mais plusieurs analystes ont quand même été déçus du peu de caractéristiques qui suscitent le « wow » hein? chez l'industrie. Et ça nous a donné une idée pour notre palmarès hebdomadaire. Voici donc 5 choses qu'Apple aurait dû ajouter à son iPhone 5. La cinquième chose qu'Apple aurait dû ajouter à son iPhone 5, une application qui permettrait à Sam Hamad de se trouver des amis. Oh boy. Hein? Sur Google Plus, peut-être? Je sais pas, il va falloir travailler très fort. La quatrième chose qu'Apple aurait dû ajouter à son iPhone 5, un alcotest intégré pour ne pas que les gens tweetent n'importe quoi. Oh boy. Ça va limiter pas mal le nombre de tweets de François Legault. Ben ça. Oui, ça va être... En tout cas, ça va être moins drôle. La troisième chose qu'Apple aurait dû ajouter à son iPhone 5, un iPhone pas trop intelligent puis pas trop cher pour les pauvres joueurs en l'encadre de la Ligue nationale. C'est vrai. Ben ouais. Avec une version Siri où toutes les phrases commenceraient par « Écoute, je pense que... » La deuxième chose qu'Apple aurait dû ajouter à son iPhone 5, une version d'Angry Birds, mais les oiseaux sont remplacés par François Rebello. Ah, ben oui. Un genre de angry rebello. Ouais, il serait quelle couleur, hein? Ah, bleu, vert, rouge. En fait, ça dépend. Là, tu penses que c'est une couleur, finalement, c'est un autre. Paul Frank. Et la première chose qu'Apple aurait dû ajouter à son iPhone 5, une application qui empêche de downloader tout ce que Claude Meunier a fait depuis la petite vie. Bah, ouais, franchement, c'est pas moi qui ai écrit ça, certain. C'est pas moi qui ai écrit ça, certain. Fred, présentez-nous notre premier invité. Notre premier invité est urbaniste de formation et chef du parti Projet Montréal, deuxième opposition à la Ville de Montréal. Ses détracteurs trouvent qu'il est surtout le chef qui s'oppose à toutes. Voici Richard Bergeron. Monsieur Bergeron, merci d'être ici. Est-ce que je vous offre une bière? Oui. Mais vous n'êtes pas musulman, vous? Vous avez marié votre femme marocaine, vous êtes devenu musulman pour ça, me semble. Je suis devenu musulman par respect pour mes beaux-parents. Pour que le mariage ait lieu. Ben, par amour pour mon époux. Ben, c'est ça que je me disais. Si tu ne pouvais pas par amour votre belle-mère. Non, mais je suis Québécois, là. L'amour ne suffit pas. Ben non, je suis un mariage non. Ici, là. C'est par amour ou par opportunisme, ça dépend comment on appelle ça, là. Non, c'est par respect pour mes beaux-parents qui sont devenus musulmans pour que le mariage ait lieu au Maroc et que mes beaux-parents se sentent à l'aise. Quant à moi, être musulman, être catholique ou être juif ou être n'importe quoi, ça m'importe assez peu. C'est pas le genre de compromis que vous faites à la mairie de Montréal, ça? Ça n'a aucun rapport. À l'hôtel de ville, je vous sens pas être prêt à faire ce genre de compromis-là. Moi, ma passion dans la vie, c'est la ville, c'est Montréal, parce que c'est la métropole du Québec. C'était ma vie professionnelle et une véritable passion. Et si vous demandez de faire des compromis là-dessus, non, j'en ferai pas. Ah non, sur votre mariage, c'est une autre affaire. Non, c'est pas le mariage. Non, c'est la religion. La religion. Un monsieur Bergeron qui vient du Saguenay. Absolument, d'Allemagne. Ben oui, ben c'est le lac ou Saguenay, en tout cas, les deux. Régis Labeaume vient de Roberval. Ben, je le sais, ça se propage de même, ce monde-là, c'est une affaire de fou. Mais pourquoi aimer Montréal tant que ça quand on vient? Ben, moi aussi, je viens du Saguenay, j'aime beaucoup Montréal également. Là, d'où tu viens, toi? De Ville-de-la-Baie. Ouais. Ville-de-la-Baie. Ouais. Ah, c'est beau à mort. Ouais, c'est beau, c'était carré. Félicitations pour ton lieu de naissance. Ben, je vous remercie d'ailleurs. T'as beaucoup de mérite à être né là. Je sais, ils sont très fiers là-bas. non, mais Richard Bergeron, on a eu des grosses dernières semaines, évidemment, avec les élections québécoises. Et là, les élections se terminent. Paf! Il nous montre le prix de l'essence à 1,53. C'est écœurant, pareil? Moi, ça m'écœure. Ben, regarde, c'est un peu délicat, là. C'est-à-dire? Mais moi, ça me dérange pas tellement. Moi, après 3 ans, j'ai vécu 3 ans en Afrique au tournant des années 80. Oui. Puis quand je suis revenu, j'ai pris une décision, je n'aurais plus jamais d'auto. Pourquoi avoir pris cette décision-là? Parce que j'ai expérimenté... Vous avez conduit dans le plateau Mont-Royal, vous avez vite compris. Non, hein? Non, non, je parle... J'ai commencé en disant que j'ai passé 3 ans en Afrique. Là. Ah, OK, OK. Alors, c'est loin du plateau, là. Oui, oui, d'abord. Et tout est proche du plateau. Hein. Non, non, le plateau, c'est le centre du monde, mais l'Afrique, oui, oui, par rapport au plateau, oui, c'est quand même... On peut stationner en Afrique, au moins. Ben, ah, il y a du parking en masse. Gare. Il y a du parking. On va en ouvrir une aussi, une petite gare, parce qu'honnêtement, comment ça va chaud. Ça m'a fait réfléchir à notre mode de vie. C'est vrai? 3 ans, j'ai eu le temps de m'imprégner, mm-hmm, puis de questionner certaines de nos valeurs, certains aspects de notre mode de vie. Oui. Et j'ai pris la décision que jamais plus je ne serai propriétaire d'une auto. Je ne me suis jamais privé d'auto. C'est vrai? Mais je ne suis pas propriétaire d'une auto. Je suis membre de communauté, je loue chaque fois que j'ai besoin d'une agence de location, quand j'ai affaire à aller plus loin. Mais je ne subis aucune privation. Parce qu'il faut savoir qu'à Projet Montréal... D'ailleurs, vous êtes le chef de Projet Montréal. Hein? Absolument. Je me mêle tout le temps avec Luc Ferrandez. Non, mais vous êtes, il serait un bon chef. Mais on va revenir à Luc tout à l'heure. Ben, vous savez, je suis éternel, hein? Ben non, mais comme n'importe qui. Mais quoi qu'on vit, Saguenay, on vit longtemps. Et moi, j'ai tellement d'admiration pour Luc. Pour Luc Ferrandez? Ben oui. Eh ben, vous êtes un des seuls, quand même. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous êtes 3, 4 faciles. Sa cote a remonté énormément. C'est vrai? Ben, quand il n'est pas là au conseil de ville, sa cote augmente, c'est clair. Hein? On a vu ça dans les nouvelles récemment. Cela dit, je voudrais expliquer aux gens, parce qu'on n'est pas que tu fais à Montréal ici. Il y a des gens en région. Il faut savoir que Projet Montréal est pas très pro-voiture. Hein? Très pro-transport en commun. Nous sommes très pro-urbaine. Ouais, ouais, ouais. Très pro-transport actif, ouais, et transport collectif. Ouais. Nous ne sommes absolument pas anti-voiture par principe. Ah non? C'est qu'une fois que tu étais très pro-vie urbaine, ouais, très transport collectif, très transport, mm-hmm, actif, très qualité de l'espace public, bien, tu as une variable résiduelle qui est devenue de plus en plus résiduelle, c'est l'auto. C'est pas par principe être contre l'auto, c'est être en faveur choses qui, graduellement, mettent l'auto à sa juste place. Pas l'élimine, la mettre à sa juste place. Justement, parlons de la juste place de la voiture. Visiblement, sa juste place a pas mal diminué sur le plateau Mont-Royal avec le régime... Pas juste sur le plateau. Vous savez que Gérald Tremblay a enlevé 1200 stationnements au centre-ville. Ben oui, on a quartier des spectacles, il a enlevé 600. Gérald Tremblay, il ne fait pas grand-chose. Non, non, non. Non, non, non, non, mais attendez. Okay. Il n'est même pas au courant, de toute façon. Quand on dit que Gérald Tremblay, l'homme qui a vraiment rien fait, a enlevé 1200 places de stationnement sur chaussée au centre-ville de Montréal, puis y a-tu quelqu'un qui a chialé? On n'a pas enlevé d'espace de stationnement sur le plateau. C'est bien une des seules comment fois que tout le monde pense que c'est sur le plateau exemple que les choses se passent, ce genre de choses non, mais se passent. Ça a été quand même d'actualité, parce que ceux qui vivent à Montréal, évidemment, on a à traverser le plateau de temps en temps pour aller du nord au sud. Et évidemment, on a vu des changements assez importants. Vous le faites par Saint-Denis, vous le faites par Papineau, par Ribéry. Je me suis justiné avec le chef de Projet Montréal avec ça récemment. Mais si vous voulez le faire par Christophe Colomb, bonne chance, vous allez avoir des problèmes. Bon, parlons de Luc Ferrandez un peu, qui évidemment votre c'est un peu comme votre mascotte. On va dire ça de même. C'est un ami personnel. Ça peut être une mascotte pareil. Non. Moi, je suis ami avec Youpi. Mais là, les élections municipales s'en viennent en 2013. On le sait, on a très, très hâte d'ailleurs. Luc Ferrandez aura largement le temps de devenir chef de ceci ou de cela. Ah oui, je sais. Il est beaucoup plus jeune que moi. Il est très, très bon. Il est beaucoup plus jeune que moi, puis il est tellement intelligent, tellement talentueux. Puis c'est un bel homme en plus. Là. Ben oui, justement. Les femmes l'adorent. Justement. Alors, c'est un gros atout qu'il a sur moi. Il a remis la... il a remis la barbe, si vous voulez. Il a remis la barbe à la mode. Hein. Regardez, moi, aujourd'hui, j'en porte une à l'honneur de Luc Ferrandez ou de Thomas Mulcair. Je m'en rappelle plus lequel. Mais là, bon, les élections municipales s'en viennent en 2013 partout au Québec. Hé, je vais être élu, Jean-Philippe, l'année prochaine. Ben oui. Hé, je suis dans l'industrie de l'optimisme, moi. Là. Oui. Alors, si j'y crois pas moi-même, comment veux-tu que je convainque les autres? Non, vous avez tout à fait raison. Non. Mais parlant d'industrie, vous êtes aussi dans une autre industrie, celle de la théorie. Hein. De quoi est-ce qu'on va parler, là? Ben, des théories. Des théories, parce qu'il y a plusieurs parties. Il y en a plein. Écoute. Je suis capable d'en faire sur mesure en plus. Ben, je sais. Par exemple, vous avez une théorie sur tout. C'est vrai, ça? Comment peut-on imaginer que quelqu'un vive quoi que ce soit dans sa vie sans réfléchir au sens que ça a? Ah, oh, j'en connais plein, Fred. Alors, cette boutade que j'ai lancée à Michel Ouimet puis qu'elle a écrite dans son article, pour moi, elle fait sens. J'arrive pas à croire que quelqu'un pourrait ne pas avoir de théorie sur tout. Mais justement, OK, il y en a une qui me fascine, celle sur, évidemment, l'alunissage des Américains. On en a parlé pas mal. Vous doutez, de l'arrivée sur la Lune des Américains. Ça, c'est du niveau Gérald Tremblay. Là, Jean-Philippe, Gérald, tu baisses trop. Mais non, il m'en a parlé au dernier conseil municipal. Ben, je trouve ça intéressant, moi. Surtout, là, qu'il y a récemment, Neil Armstrong, en tout cas, le comédien qui jouait Neil Armstrong est mort. Attends un peu, là. Ça, c'est important, quand même. Un journaliste a tenté de me piéger sur autre chose. Oui. Et moi, pour me moquer de lui, je lui ai répondu, puis il était t'oublies les Américains sur la Lune. Et j'ai ajouté, mais ce qui n'a pas été rapporté, puis Elvis est encore vivant. Il est-tu vivant? Ah, mais c'est plusieurs degrés! Et depuis. Ben oui, ben c'est ben évident, je me moquais du journaliste. C'est dans le club des malcités, finalement. Non, non! Non, il me chute très. Il est dans le club des plusieurs degrés. Mais. Voilà. Mais ça, c'est commun, les gens du Saguenay. Mais on a de l'esprit. Moi, j'ai eu beaucoup de peine. J'ai eu beaucoup de peine que le journaliste ne reparle pas d'Elvis. Ben ouais, mais regarde, tout va s'arranger, on met ça sur Internet tantôt. Monsieur Bergeron, vous restez avec moi. Hey, on passe la soirée ensemble et on va recevoir tout à l'heure Jacques Duval. On va parler de char, enfin. Pas une affaire de bon. J'aime bien. Non, mais vous restez avec nous. Duval. Vous allez être déçus si vous voulez qu'on chicane. Ah, oh, je vais essayer de trouver une coupe de piste. La presse nous a présenté le week-end dernier un gros dossier sur les stéroïdes, je ne sais pas si vous avez lu, hein, qui sera en progression fulgurante au Québec. Et je vois que mon public l'utilise allègrement, d'ailleurs. Quoi de mieux qu'une radio aussi en progression fulgurante pour commenter ce problème social inquiétant? On écoute. Vous écoutez Radio X Jazz, la radio où une blanche vaut deux noires. Bonsoir tout le monde, Kevin Gosselin au microphone pour cette soirée jazz, tout en virilité, et justement j'ai bien hâte de parler à Dave, qui a fait des tests étonnants pour nous cette semaine. Hey, qu'est-ce que tu veux dire, là? Ah, eh bien, selon les notes que tu m'as fait parvenir par fax hier soir, tu as essayé pour nous différentes sortes de stéroïdes cette semaine. Ouais, ben c'est ça, là, j'ai essayé des stéroïdes, là, ce qu'on appelle juice ou sauce, là, dans le journal La Presse. Ben oui, j'ai vu ça, un gros dossier, hein, ça semble dangereux, selon eux. Moi, j'appelle ça des nananes, parce que quand j'en prends, là, c'est comme l'Halloween dans mes muscles. Dans l'article de La Presse, on spécifiait qu'on pouvait prendre les stéroïdes soit en comprimé ou en injection. Ouais, injection comme Honda Civic, là? Bien sûr. Ben, c'est vrai d'ailleurs, depuis que j'ai commencé mes tests, là, je trouve que je roule plus comme en Porsche qu'en Honda Civic quand je vais au gym. Il semblerait par contre que les stéroïdes rapetissent justement la Porsche des gens qui en prennent. Dur à dire. Votre réponse confirme ce qu'on pouvait lire aussi dans la presse, justement, à l'effet que c'est moins dur, justement. Qu'est-ce que tu veux dire, mon esti? Eh bien, merci, Dave. Vous me semblez plus à pic que d'habitude. On va aller en musique pour se détendre. Hey, chame, là, mon esti, là! Alors, on s'en va écouter Woody Herman et son orchestra, lui qui a souffert toute sa vie de ségrégation raciale. Il adorait s'asseoir à l'avant dans les autobus du sud des États-Unis. Vous écoutez Radio X Jazz, le 91, blanc. Kevin Gosselin. Ah ouais. Toujours très bon. Attachant. Vous êtes toujours à l'écoute de La Soirée est encore jeune. Et là, évidemment... Je vais vous présenter quelqu'un qui est plus beau que moi, je l'avoue. Plus drôle qu'Olivier Niquette, facile. Plus jeune que Fred Savard aussi. C'est lui, le transcendant journaliste tout-terrain, Jean-Sébastien Girard, qui, une fois de plus, nous fait le cadeau de sa présence rigoureuse et indispensable à l'émission. Jean-Sébastien, bonsoir. Ah, bonsoir, mon bon Jean-Philippe. J'ai fait beaucoup de route aujourd'hui pour vous dans ma machine pour me rendre au 45e Festival Western de Saint-Tite. Yes. Déjà 10 jours de réjouissance, de musique, de rodéo, de danse, de pompe de route dans les rues, sans parler, évidemment, d'enregistrement de la poule aux œufs d'or spéciale country animée ici par Guy Mongrain. Mais évidemment, Jean-Philippe, le clou de cette 45e édition, c'est sans conteste un mariage western qui a été célébré ici il y a quelques jours. Et imaginez-vous donc, j'ai réussi à retracer le couple en question. Yeah. Il s'agit de Jacques Laberge, professeur de danse western, que vous connaissez sûrement puisqu'il a dansé dans un vidéo de la blonde de Sylvain Cossette, et Nathalie Normandin, professeur de danse. Premièrement, félicitations et bonjour à vous deux. Bonjour, bonjour! Sont-tu assez fin? Salut! Ma première question, avant que je commence à rire de vous, c'est quoi ça toujours, un mariage western? Pas fin, ça. Mariage western, disons qu'on nous, on s'était dit, pourquoi ne pas célébrer ça au 45e anniversaire du Festival Western de Saint-Tite? Donc, nous, c'est sûr, les mariés, on était costumés en conséquence, et on avait demandé à nos gens, tout simplement, de mettre chapeau, chemise country, jeans et bottes de cow-boy, et voilà, le travail est fait. Bon, Dieu, que ça a l'air beau, j'aurais donné un rein pour être invité. Ma deuxième question, pourquoi avoir choisi un mariage médiéval quand on sait que ça peut être beau? Ben, on n'aurait pas pu faire autrement. Pour nous, c'est notre mode de tous les jours. On voulait un mariage comme Dieu qui nous ressemble, et en plus, on s'est rencontrés ici au festival, donc ça ne pouvait pas faire autrement. C'est une histoire qui me tire les larmes. Et évidemment, notre auditoire est curieux de votre nuit de noces toujours. Est-ce que c'était une nuit de noces western, je veux dire, Jacques? Est-ce que vous avez été un peu cow-boy avec Nathalie? Bien sûr. Tout cow-boy doit honorer sa monture. Mon Dieu, que vous faites honneur! Vous êtes inspirant et vous donnez le goût de croire à l'amour, je vais vous le dire. Alors, merci beaucoup. On se retrouve un peu plus tard. Et déjà, Jean-Philippe, je vous annonce qu'à ma troisième intervention, oui, on va vivre quelque chose de vraiment spectaculaire. J'ai jamais vu. Restez là, mais moi, je vous retrouve dans 4 minutes. Oui, c'est pas sûr qu'on va se rendre là, Jean-Sébastien. Merci, hein? À tout de suite! Vous écoutez La Soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Potier, une émission qui n'est jamais allée sur la Lune, mais qui roule sur les chapeaux de roue. On va aller trouver quelqu'un de beaucoup moins drôle. Fred Savard. Oui. merci, c'est toujours agréable. Ouais, ben j'ai envie cette semaine de vous parler d'un grand démocrate hein, qui tapisse les pages de nos journaux et de nos écrans télévisuels depuis le début de la semaine. Et je parle bien sûr de Lucien Bouchard. Oui. Qui nous offrait une touchante entrevue au Franc-Tireur mercredi soir, mal assis dans son fauteuil trop grand, malgré sa stature gigantesque. Où il a quand même pu démontrer toute la fulgurance de son intelligence devant Richard Martineau. Bon, chose quand même à la portée d'à peu près tout le monde. On a eu droit à une séance d'auto-congratulation qui a passé comme du beurre dans le poêlon, si je me fie aux réactions des médias sociaux, où beaucoup, beaucoup de gens lui redonneraient bien les rênes du pouvoir. Maudit qu'on n'a pas de mémoire au Québec. Cela dit, les médias sociaux, on l'a appris dans cette entrevue, c'est pas bien, hein? Les gens sont pas gentils là-dessus, c'est même intolérable, selon Lucien, qui a textuellement dit « Les Twitter, le matin, ils éructent leurs opinions ». Et Martineau qui en a rajouté en affirmant que les Twitter, ce sont des gars en bobette qui écrivent avec pas de dents en mangeant des Doritos. J'ignorais que Richard aimait les chips au fromage et qu'il portait un dentier. Mais nous nous perdons dans les détails puisque l'entrevue visait surtout à nous démontrer que Lucien Bouchard est extraordinaire. Bouchard s'est dit particulièrement fier de sa principale réalisation, l'érection de la Grande Bibliothèque, même s'il n'a pas cru bon nommer au passage la contribution de Lise Bissonnette, une mortelle comme nous tous. D'ailleurs, il n'a pas mentionné beaucoup de gens à part lui dans cette entrevue. Il s'est approprié la création des politiques familiales du PQ, comme la création des CPE, mais pas un mot sur sa principale création, l'infâme déficit zéro, et pas un mot sur Pauline Marois, qui n'était certainement pas figurante dans son gouvernement à l'époque. En fait, oui, il a parlé de Mme Marois, mais juste pour dire que cette non-sotte, pour paraphraser Yves Michaud, un autre grandissime personnage, avait marché avec les stupides citoyens, chose qu'il n'aurait jamais fait. Comme il le dit si bien à Richard, c'est pas parce que tu marches dans les rues que t'as raison, et hein, on va se le dire, c'est tellement vrai, et c'est pas parce que les gens sont pas contents qu'ils ont raison d'être pas contents, hein? Les politiciens écoutent trop les gens, et c'est pour ça que Lucien nous a également dit que les référendums d'initiative populaire, c'est le démon, hein? Un démon qui pourrait prendre possession de 845 000 âmes d'un seul coup pour soumettre une population entière déjà soumise de toute façon. C'est sûr que les citoyens ne donnent pas de mandat de médiateur à 300$, ce qui explique sûrement pourquoi ils préfèrent marcher avec les gazières et les pétrolières, une activité beaucoup plus noble que de s'abaisser à tendre l'oreille aux citoyens. Mais cela dit, je serais quand même inquiet si j'étais président d'une compagnie minière représentée par son excellence Lucien, puisqu'il avouait Richard Martineau qu'il ne pouvait pas se prononcer sur les redevances puisqu'il n'avait pas étudié le dossier. Hein. C'est ça qui arrive quand on passe trop de temps dans des réceptions à sa gare, on néglige ses dossiers. On a également appris qu'on était bien ingrat au Québec envers Bouchard, lui qui a été celui qui a le moins échoué dans sa tentative de faire du Québec un pays, une idée devenue obsolète selon Lulu, après moi le déluge, comme le disait le poète environnementaliste. 1995, hein? Ça nous rajeunit pas quand on y pense. On s'en rappelle pas comment la campagne du oui allait nulle part avant que Lucien ne soit sournoisement attaqué, non pas par les maudits médias gauchistes ou les groupes de pression, mais bien par la bactérie mangeuse de chair. Après un combat héroïque contre la maladie lors d'une nuit dramatique, il devint le miraculé de la province, le vent de la campagne référendaire tourne et les Québécois voient en lui le messie de la nation et Lucien ne quittera jamais de plus son aura de curé depuis. Et les Québécois ont beau se proclamer laïcs, ils ont gardé les vieux atavismes des habitants d'une priest-ridden province qui n'a jamais été habituée à penser par elle-même. Et rien n'était plus flagrant mercredi soir que de constater que l'habitant aime encore boire les paroles d'un saint homme qui pourrait le mener au salut éternel. Un salut qui, selon Lucien, passe maintenant par l'abandon des rêves pour être remplacé par le travail, la productivité et la raison. Si vous me permettez, je vais rester laïque, Saint-Lucien, bien peu pour moi, je préfère encore éructer mes Doritos dans les utopies. Merci, Fred. C'est bon, les Doritos. C'est très bon, les Doritos. Particulièrement le matin. Ben oui. Merci, Fred. On va retourner discuter avec Jean-Sébastien. On se reparle vite, hein, Jean-Séb. Ça va bien? Ben, ça va toujours bien, vous-même? Ben, mais hein. C'est jamais trop vite en ce qui me concerne. Alors, je suis toujours évidemment à ce 45e événement à Saint-Tite, grand festival western. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais rester un peu plus tard ce soir. Il y a un gros concours de chansons western amateurs sur le site. Et pour vous donner un petit avant-goût, j'ai eu envie de reconstituer en deux minutes un concours amateur express. Donc, j'ai rencontré trois concurrents dans la rue comme ça qui vont chanter respectivement pendant 20 secondes et à la toute fin des trois prestations dans la salle par applaudissement. On va choisir un gagnant. Alors, j'ai ici ma première concurrente. Madame, approchez-vous. C'est quoi votre nom? Annie. Alors, Annie, allez-y avec votre chanson. Vous avez 20 secondes. J'ai un amour qui ne veut pas mourir. Et c'est bon, je veux que c'est bon. Okay, c'est bon. Le Martel qui va se revirer dans sa tombe. Deuxième concurrent maintenant. C'est à qui? Bonjour, monsieur. Bonjour, Roland Michaud. Alors, monsieur Michaud, on vous écoute. Sometimes late at night, ah. I lie awake and watch you sleep. Mon Dieu, que c'est beau, j'ai envie d'arrêter les antidépresseurs. Merci beaucoup, monsieur. Et maintenant, notre dernier concurrent vous écoute. C'est quoi votre nom? Jean, allez-y, c'est à votre tour. Mille après mille, je suis triste. Mille après mille, je m'ennuie. Jour après jour, merci infiniment. Alors, on va procéder maintenant aux applaudissements dans le public. Alors, pour notre première concurrente qui a chanté du René Martel. Parfait. Maintenant, notre deuxième concurrent. Ah, je n'entends rien, on n'a pas de ligne. Et le troisième concurrent. Bon, on n'entend rien non plus. Alors, c'est notre première madame qui a gagné. Puis ici, j'ai des prix pour vous. Alors, j'ai trois enveloppes. Vous pouvez choisir le prix que vous voulez. Donc, dans la première enveloppe, vous pouvez aller faire un tour de vieux char avec Jacques Duval. Dans la deuxième enveloppe, vous pouvez aller faire un petit tour chez le coiffeur avec Jean-Philippe Vautier. Et le troisième, vous pouvez aller fêter des chars avec Richard Bergeron. Qu'est-ce que vous choisissez? Je vais aller faire un petit tour chez le coiffeur avec Jean-Philippe. C'est parfait. Donc, je lui transmets vos coordonnées. Merci beaucoup d'avoir participé. On vous retrouve ce soir et moi, je vous retrouve dans 15 minutes, Jean-Philippe. Wouh! Merci, Jean-Sébastien. Notre deuxième invité. Notre deuxième invité est le pape de la critique automobile depuis 1966, mais contrairement à Benoît XVI, il a su évoluer en devenant le prosélyte de la voiture électrique. Accueillons Monsieur Jacques Duval! Oui. J'aurais pu vous chanter ça, moi. Ben, c'est vrai? Je chante à cheval, m'accordant sur ma guitare, des chansons de l'Ouest canadien. Oh! Wow! Ben, j'ai été le présentateur de Willy Lamotte pendant 15 ans. À mon avis, vous allez gagner le tour de char avec Jacques Duval. Donc, je vais me promener avec moi-même. Ça ressemble à ça. Monsieur Duval, bonsoir. Est-ce que vous voulez une petite bière? Non, je vais me contenter de l'eau parce que l'eau et la bière et l'essence, ça va pas très bien. Ben non, c'est ça. Ça c'est goûte méchant. C'est une autre époque, hein, ça. Ça goûte pas très bon. Est-ce que vous étiez du genre à boire une petite bière en conduisant à l'époque? Non, parce que j'aime pas la bière. Ah, ben ça, c'est une bonne raison. Je regrette. Est-ce que vous aimez le gin, par exemple? Oui, j'ai commencé avec le gin tonic. Alors, est-ce que vous buviez du gin tonic en conduisant, vous? Non. Vous avez jamais bu en conduisant? Ça avait l'air le fun, non? Peut-être du vin. Ah, ben c'est ça. Mais ça fait des joyeuses taches sur les vêtements, par exemple. C'est sûr que si on break sexe maintenant. Monsieur Duval, l'essence est donc bien chère ce temps-ci? Ça n'a aucun bon sens. C'est-tu trop cher? Ou c'est... Quand on pense que c'est 50% moins cher de l'autre côté de la frontière, oui. Rencontrer un camionneur l'autre jour qui allait faire le plein près de la frontière des États-Unis, oui. De Bromont, il sauvait à peu près 50$. Mm. Pour un camion là, qui prend, je sais pas, moi, 112 litres, ça fait pas mal d'argent. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je m'amène des tanks. Quand je vais aux États-Unis, je me remplis ça. Puis des fois, juste des petits 500 millilitres d'eau. Là, ça fait assez bien. Mais justement, on a à côté M. Bergeron, qui, lui, est totalement pour le prix de l'essence. C'est un rêveur, lui. Ah, c'est un rêveur? Oui, c'est un rêveur. Ah, la guerre est partie. J'avais assez hâte. Je peux pas. Je suis indifférent. Ça n'a pas été si compliqué, ah, vous êtes indifférent? Indifférent. Ben, c'est ça, vous n'avez pas besoin. Sauf que j'ai de la peine pour ceux que je vois obligés de payer ce prix-là. Ben, d'autant à titre personnel, je suis indifférent. C'est d'autant plus fâchant quand on est poigné d'un bouchon sur le plateau. Ça coûte bien plus cher. Il n'y a pas de bouchon sur le plateau. Vous devriez revenir sur le plateau. Ben c'est une autre affaire qui est épouvantable, c'est qu'il n'y a pas d'espace de stationnement à Montréal. L'autre jour, j'ai calculé ça, 42$. J'ai allé à trois endroits différents ouais. Et ça m'a coûté 42$ de stationnement dans une journée. Ben, c'est scandaleux. Moi, voulez-vous que je vous dise ce que je fais? Moi, quand je vais sur le plateau et je reçois une contravention, je l'envoie à Richard directement. Ah bon, Richard il y a un arrangeur d'étiquette? Ben, j'attends. Je vais m'amener, je vais bien savoir de quoi. Ah bon, un arrangeur. OK, ouais. Je vais voter pour vous d'abord. Moi, je m'en fous, c'est votre numéro de plaque qui est écrit sur la contravention. Non, moi, j'ai alors, plus. Envoyez-moi là. J'ai plus de plaque, moi, ça fait longtemps. Monsieur Duval, oui. Vous venez de publier l'Auto 2013, mm-hmm. Qui sort d'ailleurs au mois d'août en même temps que le guide de l'auto et qui sort en même temps que l'annuel de l'automobile. Mm-hmm. Là, lequel des trois est le meilleur? Ben, putain, la question se pose pas. Non? Ben non, c'est le nôtre. C'est vrai? C'est le mien. Parce que moi, j'avais dans l'habitude d'acheter le guide de l'auto. Et là, je me suis mêlé, je me suis dit, pendant 40 ans, j'ai fait le guide de c'est l'auto. C'est ça. Oui, j'ai vendu. Ce nom-là est tellement associé à vous. Ben oui, tout à fait. Ben oui, tout le monde me dit aujourd'hui, j'ai acheté ton guide, j'ai lu ton guide. Je dis, non, je ne l'ai pas acheté parce que je le fais plus. Vous avez encore des redevances là-dessus ou non? Puis non, malheureusement. Ben oui, mais c'est même maudit, ça. Oui, mais j'ai eu les redevances au début quand je l'ai vendu. Ah, OK. Ben ça rassure. Ça rassure. Je lisais justement dans l'Auto 2013, en préface, vous dites, et ça, c'est ça m'a choqué, c'est votre 40e ouvrage. Mm-hmm. Et vous pensiez peut-être prendre votre retraite. Oui. Peut-être. Il est à peu près temps. Hein? Ben, ça, mais vous dites pas que vous allez la prendre, hein? Vous dites peut-être. Ben, j'y pense. Je suis en réflexion. C'est vrai? Ça fait combien de temps que vous travaillez dans ce milieu-là? Ça fait 50 ans. 50 ans. Mais pas seulement ce milieu-là, parce que j'ai fait ce que vous faites. J'ai fait de l'animation, ben oui, j'ai été disc jockey, j'ai fait du cabaret, j'ai fait du spectacle, j'ai fait un numéro de mentaliste. J'ai jeté un œil sur votre biographie. Oui, c'est malheureux, il n'y en ait pas eu plus que vous. Moi, j'ai lu. Présentateur de Willy Lamotte, c'est-tu vrai, ça? Oui, ah ouais, au Café Saint-Jacques, tous les après-midi. Lisez, et vous chantiez? Non, non, je chante de temps en temps. Non, mais je l'ai entendu. Il y a une très bonne voix. Mais lisez-le pendant que vous êtes dans l'autobus, vous avez le temps en masse, vous. Oui, c'est ça, il est toujours non, c'est ça. Ben là, écoute, c'est clair. En auto, c'est le problème, on n'a pas le temps de lire. Tu me le donnes pour de vrai, là? Non. Non. Non, c'est la mienne. Je n'ai besoin, c'est Fred qui me l'a prêté. Oui, c'est la mienne. Non, mais on se demandait, vous êtes donc à votre 40e livre, vous prendrez jamais votre retraite à hésiter comme ça encore? Mais j'aime ça, contrairement à mon collègue ici, j'adore ben oui. L'automobile. Ben oui, c'est ça. J'aime ça essayer des voitures, conduire des bonnes voitures. Battez-vous pas, là. Oui. J'adore l'automobile, je loue toujours des modèles pourquoi différents. Vous vous infligez ben oui, mais ce supplice? Parce que j'aime la ville. De conduire des brouettes que vous louez à droite et à gauche. Non, mais quand on loue des voitures, on a les des deux échos. Dernières voitures que j'ai louées, c'est une Ford Taurus et. Eh mon Dieu, ça devait être la fun à chauffer, Fiat 500. J'ai adoré les deux. Vous parliez de Communauto tantôt. Oui, mais Communauto, mais je loue aussi quand je sors de la ville. Mais Communauto, quand je vais au Lac-Saint-Jean, je ne vais pas à Communauto. Ben non, mais non, c'est bien sûr. C'est vrai que son confort. Ben oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, dans les Communauto, il y a maintenant des Nissan Leaf. Oui, hein? Donc, qui sont des voitures seulement électrique. Vous en avez conduit une Nissan? J'en ai conduit une, je suis même resté en panne avec. Oui, j'avais lu votre article, c'est ça l'affaire. Vous êtes allé trop loin? Ben non, on promettait 160 km, j'en ai fait à peu près 80 et il ne restait plus rien. Pas de violence au volant, vous deux, là. Hein? Non. Avez-vous regardé si elle était chargée avant de partir? Oui, elle était chargée. Ils m'ont donné. Mais vous avez conduit un fou? Monsieur Bergeron! Non, ils m'ont dit parce que je n'ai pas suffisamment appuyé sur les freins, comme si on appuie sur les freins sur l'autoroute. C'est facile, on a deux pieds, on freine et on avance en même temps. Ben oui, c'est pas compliqué. Toujours dans votre guide l'auto 2013, vous remerciez là-dedans Christine Saint-Pierre pour vous avoir remis le prix en 2011, Georges-Émile Lapalme, qui est remis aux gens qui, en fait, font la promotion du rayonnement de la langue française au Québec. Mm-hmm. C'est votre plus grande réussite à vie. Hein? Vous êtes très fier de ça. Oui, je suis assez flatté d'avoir quasiment inventé ou enfin propagé une bonne langue française. Dans le domaine de l'automobile. Dans le domaine de l'automobile. Alors, ça, comme j'ai dit, quand j'ai fait mon discours de remerciement, j'ai dit que ça ne plaira pas à toutes les oreilles parce que je vais parler comme on parlait dans le temps. J'ai scrappé mes breaks, mon windshield est cassé. En tout cas, il y avait toutes sortes de mots. Je vais vous dire quelque chose. J'ai même oublié tellement ça fait longtemps. En lisant les Twitter, en mangeant des Doritos comme M. Bouchard, là, on en lit pas mal des termes anglais de nos jours. C'est pas facile, ça. Est-ce que c'est une des raisons, d'ailleurs, pourquoi vous restez comme ça, assis pour propager votre langue française non, de bonne qualité? Non, parce que maintenant, c'est connu, les gens vont vous parler de plaquettes de frein, vont vous parler de freins à disque, ils diront plus des disc brakes. Non, les gens ont vraiment appris. Les mécanos, maintenant, connaissent les bons termes. Et puis, il n'y a pas de problème. C'est un peu grâce à vous. J'ai pas besoin de rester là pour ça. Ben, vous avez bien fait de remercier Christine Saint-Pierre pour ça. D'ailleurs, elle n'a pas remercié souvent ce temps-ci, fait qu'elle devait être bien contente. Oui, surtout! Non, elle devait être contente. Toujours dans votre biographie, ça, je trouvais ça fascinant. J'ai appris que vous faisiez une critique de disque à l'époque qui s'appelait Le cimetière du disque. Oui, monsieur. Je suis le fondateur, le créateur. Là, vous êtes en train de me dire que Claude Rajotte vous a volé? Oui. Mais il l'a dit, la première émission, je pense qu'il a dit. Ah oui, après ça, il l'a plus rappelé. Hein? Non, il l'a plus rappelé, pas toutes les semaines. Il a vogué là-dessus longtemps. J'aurais dû enregistrer le concept. Oui, non, mais je comprends donc. Mais là, on va parler de char parce que vous êtes sur le bord de vous battre là, avec Richard à côté. j'ai envie de vous demander. Vous allez être déçu. Ah non, ben non, tantôt, je chantais une tension. Là, il est trop calme. Ben oui, non, mais on va le craquer, les hommes de paix. Watch-le. Non. Je suis jamais poigné dans le trafic. Mais c'est rare qu'on ait deux spécialistes des voitures dans la même émission. Le journal Métro disait cette semaine que depuis 10 ans, le nombre de voitures au Québec a augmenté 3 fois plus vite que la population. C'est une bonne nouvelle pour qui, ça? C'est une bonne nouvelle pour les vendeurs. Ben oui, ben on imagine bien. Ouais. Mais pour le Québec, est-ce que c'est une bonne nouvelle, objectivement, M. Duval? Non, parce qu'il n'y a plus de place. De stationnement, c'est ça. Ben oui, on revient tout le temps même au même mot. Il y a un deuxième aspect. Oui. Il y a le déficit commercial dans l'automobile, c'est 10 milliards. Le déficit commercial dans le carburant, c'est 16 milliards. Mais c'est... 26 milliards de déficit. M. Bergeron, de la balance commerciale. Dans votre monde, là, avec des nuages, comme M. Duval le parlait tout à l'heure, il y a quand même 100 000 travailleurs au Québec qui travaillent dans l'industrie de l'automobile. Vous leur faites faire quoi, à ces gens-là? Des trottinettes? Pour la dépense automobile, qui est à peu près 20 % du produit intérieur brut, autour de 60 milliards de dollars, 100 000 emplois, c'est rien. Alors, les Québécois, par leur consommation automobile, ils créent beaucoup d'emplois, oui, en Allemagne, BMW, Mercedes, on est là. En Arabie Saoudite. Il paraît qu'il n'y a pas de riche. Vous me dites ça, M. Bergeron. Le coût de chaque emploi au Québec est extrêmement élevé. Et en plus, c'est des emplois bas de gamme. Vous me dites ça, M. Bergeron. C'est un politicien. Il y a presque pas d'emplois dans l'ingénierie, dans la conception, dans le design. Oui, il y a des emplois dans la mécanique générale. Mais vous me dites ça, puis je me dis, imaginez qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec tout l'argent économisé si on n'était pas allé sur la Lune. Ouais. En tout cas, je pense à ça de même. Vous restez avec moi. Vous restez avec moi. Fred, présentez-nous notre prochain chroniqueur. Avec toutes les inepties qu'on débite dans les médias, ces deux oreilles suffisent à peine à la tâche. Voici la chronique d'Olivier Niquette. Ah ben oui, applaudissez, hein. Non, mais les gens se retiennent tout le temps quand c'est Olivier. Je sais pas pourquoi. Olivier, quoi de neuf cette semaine? Bien, la semaine a commencé avec la publication dimanche soir par Éric Duhaime d'une chronique visant à mettre de l'avant une candidature un peu champ droit à la direction du PLQ, soit celle de son ami Mario Dumont. Ben oui. Écoutez, moi, je pense que c'est le meilleur talent politique de notre génération. Je pense qu'on n'a pas les moyens de se passer de ce gars-là. Hey, c'est notre meilleur talent politique, puis même pas capable de prendre le pouvoir. Tu sais, Pauline Marois, là, qui n'est pas sotte, mais qui n'est pas un génie non plus, comme dirait Yves Michaud, là, même elle est parvenue à se faire élire quand même. T'sais. Ben oui. Justement, lundi avaient lieu les funérailles de Denis Blanchette, victime de l'attentat du Métropolis. L'auteur de la fusillade, selon nos grands penseurs, est un gars bien, bien influençable puisqu'il a été inspiré par la radio poubelle, les étudiants, les anglos, le Parti québécois et la droite, comme l'expliquait le curé Gravel sur les ondes de RDI. C'est la droite qui est très, très drastique parfois puis qui provoque des événements comme ceux-là. En passant, Richard Bain tripait pas mal sur la Bible et me semble que la religion peut être très, très drastique parfois. Comme disait le petit Jésus, là, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui la mauvaise foi de gauche. Mardi matin, Jean Lapierre nous apprenait en grande primeur que Philippe Couillard, qui fut jadis responsable de la santé des Québécois, puis de la santé de son portefeuille avec pas beaucoup de temps entre les deux, là, allait bientôt annoncer sur Twitter sa candidature à la chefferie du Parti libéral. Ouais, mais regarde, là, il vient d'envoyer un tweet ce matin, là. Il dit « J'arrive discrètement sur Twitter, le temps de m'habituer au web 2.0. Suivez-moi et je vous partagerai peut-être ma décision sur la course au PLQ. » Mais ça veut dire qu'il se présente. Il est un peu agace, en tout cas. Tellement agace que c'était même pas lui pour vrai. Faut croire que Jean Lapierre a perdu tout flair et toute la rigueur journalistique qui ont fait la marque de commerce de ses vox pop pendant la campagne électorale. Il ne fait donc sans doute pas partie du chunk de gens allumés qui, selon Joanne Marcotte du réseau Liberté Québec, devrait être la cible du Parti libéral s'il veut reprendre le pouvoir. Il faut qu'il aille chercher le chunk de 700 000 électeurs qui parfois votent, parfois votent pas, ont voté pour la DQ, n'ont pas voté en 2008. C'est une clientèle, ça, non? Qui est vendable, mais qui est pas achetable. Guédoune, mais peut-être plus des gens allumés, peut-être, et non vendables, comme tu l'as dit, non achetables. Non achetables, c'est ça. Ah, je pense que c'est des gens de plus de conviction. De quel bord ils ont voté, Joanne, ces 700 000-là? Qui sont surtout basés à Québec? Mais semble-t-il qu'à 60-70% ils ont voté CAQ. Oui, il y a 700 000 électeurs allumés dans la capitale nationale sur une population de 500 000 habitants. Faut le faire quand même. Tous des adéquistes qui parfois ne votent pas, parfois votent NPD ou PLQ ou CAQ et qui ne sont pas à vendre, mais que tu peux acheter parce qu'ils sont des gens de conviction. Oui. Oh, avez-vous entendu? Je pense que la boussole électorale vient d'exploser. Enfin, terminons la semaine avec le premier bilan d'un expatrié de Radio X Québec qui œuvre maintenant à Radio X Montréal, un certain Dess, qui est victime d'une grave maladie, une maladie honteuse qui fait de lui la risée de ses anciens collègues. Oui, Dess souffre de la montréalisation. T'es-tu montréalisé un peu? Attention, qu'est-ce que tu vas répondre? Ben, un peu. En fait, parce que tu parlais du Bixi, là. Oui. Faut que je te l'avoue, là, je songe à un abonnement d'un an. T'es pas sérieux? Shame on you, Dess! Non, mais sérieux, là, voilà ce qui caractérise la dichotomie Montréal-Québec, l'ignorance. Si les animateurs de Québec, là, pouvaient venir faire un stage obligatoire sur le plateau, et si à l'inverse, nous, on pouvait aller travailler quelques mois à Sainte-Foy, là, je pense que la paix dans le monde serait envisageable. Oui. Jeff Fillion ferait du Bixi, Jean-Philippe Vautier chaufferait une Civic montée, puis tout le monde serait heureux. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Oh. Le possible lock-out de la Ligue nationale est une source de stress immense pour les amateurs de hockey, hein, et j'en suis. Mais avec tout le temps libre qu'on va avoir, ben, on pourrait aller se détendre en allant au cinéma. Hein. Et justement, il y a un gros, gros film qui s'en vient et qui devrait intéresser ces gens-là au plus haut point. On écoute. Je pense qu'on commence à s'attacher pas mal. Mais nous autres, là, qui sommes des passionnés de hockey, qui vivons, mangeons, buvons le hockey, c'est pas vrai, Gustave Bettman, qu'on va vivre encore un seul match en saison régulière sans hockey. M'entends-tu, là, toi? Dans notre livre à nous. Ron Fournier. Égal danger. C'est un peu ça, nous autres. On n'a pas le choix. On peut arrêter de se voir si tu veux. Puis c'est un sport américain, même si c'est notre sport national à nous autres, c'est un sport dirigé par des Américains qui pensent en américain. Et pire encore, mon cher monsieur, pire encore, l'insulte royale, c'est dirigé par des gars qui ont jamais patiné de reculons. Notre système de justice est basé sur ce qu'on appelle la présomption d'innocence. On veut baisser le plafond salarial à la Ligue nationale. Oui, mais ils continuent de donner des contrats. C'est des caves, eux autres, qui donnent des contrats de 103 ans pour de 134 millions. Des caves! L'affaire Fournier. Un film relatant le drame d'un automne avec pas d'hockey. Allô, allô, allô, allô! On va aller retrouver Jean-Sébastien. Jean-Sébastien, on a tellement hâte à ce troisième segment. Ça va toujours bien en direct de ce 45e Festival Western de Saint-Tite. Oui. Et on termine en parlant d'un gros événement qui s'est produit cette semaine au festival. Probablement que vous en avez entendu parler d'aller dans les médias. Oui. On a battu ici, il y a quelques jours, le record Guinness de danse en ligne, toi, oui. Jean-Philippe. En tout, 2437 personnes ont dansé en même temps sur la chanson One Day de la blonde de Sylvain Cossette. Et j'ai avec moi Jacques Laberge, le marié de tantôt, qui est également professeur de danse et qui a participé. Alors, faites-nous rêver, parlez-nous un peu comment ça s'est passé. Ça s'est très bien déroulé. Disons qu'au départ, on a eu peur un peu parce que les inscriptions rentraient pas, mais à la dernière minute, on a réussi à dépasser le nombre de personnes que ça nous prenait. Wow. Alors, ça donne envie de réaliser de grandes choses, effectivement, mais est-ce qu'il s'est passé des incidents fâcheux? Je veux dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est trompé de côté? Est-ce qu'il y a des gens qui sont morts piétinés, des affaires de même? Ouais, je suis trompé de côté, mais mourir piétiné, ça, on n'en a pas eu encore. Good. Écoutez, Jean-Philippe, depuis le début de l'émission, je vous promets une surprise, quelque chose de gros. Et là, c'est le moment, inspiré de ce record, j'ai demandé à M. Laberge d'inventer, de créer une danse en ligne qui serait inspirée de nos deux invités, Jacques Duval et Jacques Bergeron. Alors, on a à peu près une vingtaine de danseurs ici sur la place. Désolé, et on va en exclusivité pour les auditeurs de la soirée encore jeune vous présenter cette danse en ligne. Alors, quand vous êtes prêts... On y va! Tout le monde est prêt, les danseurs? C'est parti pour 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Ah, oh, ben merci infiniment. Le clin d'œil à Jacques Duval était délicieux, bien comme hier. On a eu beaucoup de plaisir. Il y a beaucoup de travail là-dessus. Il fallait apprendre les pas. Je vous remercie infiniment de vous être déplacé ici. On vous souhaite une belle fin de festival. Beau. Ça te permet de dimanche, Jean-Philippe, alors oui. Je vous invite à venir. Oui, oui, ben là, on a tout vu. Hein? Fait qu'on est correct. Merci beaucoup. Hein? Merci. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Ah, il est-tu fin? Fred, notre prochain chroniqueur. Notre correspondant parlementaire a survécu à la campagne électorale sans faire de burn-out, mais la prochaine course à la chefferie du PLQ pourrait lui donner le goût d'en faire un. Voici Jean-Philippe Chypriam et... Yeah! Bonsoir. Ah, bonsoir. Ben. Un Italien de parler de politique, hein? Jean-Philippe, on a perdu... Faites attention à ce que vous dites. C'est ça. On a perdu quelques ministres dans l'élection. Hein. Ils vont nous manquer, quand même. Commencer par le ministre de la Santé, qui est en barrette, hein? Ben, je le sais. Je sais qu'il n'était pas ministre, là, mais dites-y pas, il croyait tellement. Ben oui! qui est plus fort que moi, fait que je dirais pas de blague là-dessus. Ben, fort. Mais oui, il y a plusieurs ministres, comme le dynamique ministre du Développement économique, là, Clément Gignac, qui va pouvoir commencer à faire de l'argent, peut-être même au canal du même nom. Et Pierre Corbeil, souvenez-vous de lui, ministre des Ressources naturelles en 2007, il a été battu. Ouais. Il a été engagé par une minière. Arrêtez donc! Là, il est revenu en politique. Oui. ministre de l'Agriculture, il est battu. Il va être ça à... a l'air que Monsanto a l'œil sur lui. Arrêtez donc. Oui. Ah, oui. Et également, bien sûr, Alain Paquette, là, celui qui faisait des signes de oui derrière Jean Charest puis Michel Courchesne là, bon, pendant la grève étudiante. Il était silencieux. Oui. Oui. Mais là, évidemment, il y a le ministre le plus important, Jean Charest. Ah, ministre de la Jeunesse, quand même, faut le faire, hein? Ouais, lui. Ouais. Quand même, tu sais, il est entré en politique en 84, là, il avait 26 ans, le double de Léo Bureau-Blouin. Et il est rentré comme poteau, il faut s'en souvenir. Hein? Ouais. On sait qu'un poteau, ça peut être assez rigide. Formation d'avocat. La première fois qu'il a été ministre, Jean Charest, souvenez-vous, il était ministre des Sports, puis il a été obligé de démissionner après avoir appelé un juge pour faire pression sur lui. C'est là qu'il s'est rendu compte qu'il avait probablement moins de talent et d'instinct comme avocat que comme politicien. Ouais, c'est ça. Il a été vice-premier ministre du Canada, en plus, il faut quand même le faire, mais c'était sous Kim Campbell, donc ça compte pas. Et son rôle de composition, évidemment, au Parti libéral du Québec. Mais, tu sais, au-delà de la réingénierie, là, les allégations de corruption, collusion, tout ça, il y avait beaucoup d'humour, faut le dire. Mais on se rappelle quand il a traité une députée de l'opposition de chienne, puis un autre de tête de slinky. C'était drôle, ça. Ses meilleures blagues, là, fini l'attente dans les urgences. Elle était bonne, celle-là. Elle était pas pire. On va baisser les impôts d'un milliard de dollars par année pendant 5 ans. Excellente. Oui, on l'a vu encore. Oui, puis les gens ont plus d'argent dans leur poche. C'est incroyable. Ça a l'air là, qu'ils pourraient peut-être devenir professeur pour l'école de l'humour là, quand ils vont ouvrir leur filiale dans le Nord. Oui, ouais, ça va être une belle place. Mais là, dans toute la réorganisation, est-ce que vous avez des nouvelles de Mme Postit? Et comment? Celle qui avait son bureau pas loin de Jean Charest, l'adjointe d'ailleurs, puis qui posait des post-it là, sur les candidatures libérales pour devenir juge, elle vient d'être nommée, et c'est vrai, par Pauline Marois, comme sous-ministre adjointe au ministère de la Santé et des Services sociaux. Ça a l'air, c'est la nouvelle stratégie de Pauline Marois là, pour sauver de l'argent en santé, plutôt que de se lancer dans une coûteuse informatisation des dossiers médicaux. Là, Chantal va mettre des post-it sur tous les dossiers. Tout va bien aller. Ça va être exceptionnel. De l'allure. Puis là, avec tout ça, qui va être ministre dans le nouveau cabinet de Marois? Je trouve ça drôle quand vous dites cabinet Marois. Ça me rappelle la toilette silencieuse à 400 000 piastres. Mais c'est vrai que ça nous rappelle ça. Vous savez, elle n'a pas beaucoup d'élus, donc il faut un cabinet quand même restreint. Ça a l'air, selon mes sources, que Jean-François Lisée a proposé d'occuper tous les ministères. Ouais. Mais on l'a proposé ça a l'air que ça n'a pas passé. Bon, il y en a des naturels. Là. François Gendron aux aînés, Léo Bureau-Blouin aux garderies. Pierre Duchesne, notre poète, hein, probablement la culture, et aussi, bon, en santé, un Régent Hébert. Ça donne confiance. C'est comme un mix entre Régent Tremblay et Linda Hébert. Tu te dis, il va faire le ménage. C'est clair. Bernard Drainville, il y en a qui disent qu'il le voit peut-être aux affaires gouvernementales, peut-être aussi au transport. Ça va lui apprendre à modérer les siens. Et il paraît que Mme Marois pourrait aller chercher aussi dans son bassin plus large, peut-être pour qu'il soit élu par la suite. Peut-être Julie Snyder aux finances. Ah! Ouais. C'est Et bon, Paul ça. Piché aussi, ben comme là. Ministre délégué pour vérifier les chiffres. Il est bien bon là-dedans. Et moi, personnellement, pour terminer, je ferais preuve d'ouverture en donnant un ministère à quelqu'un de l'opposition, en l'occurrence, Sam Ahmad. Parce que quand il est ministre, il est drôle. Hein? Ben, merci! On a tout le temps du fun. Merci, Jean-Philippe. Imaginez-vous donc, c'est déjà tout pour ce soir. On vous invite à rester à l'écoute. Dans quelques minutes, c'est le cabaret. Plus on est fou, plus on lit. Je pense que, Jean-Philippe, vous êtes aussi dans cette émission-là, vous êtes partout. Et tout de suite après, c'est Bande à part animée par Alex Courteau. Merci à toute l'équipe, Fred Savard, Olivier Niquette, Marie-Claude Bocage, Julie-Christine Parent, Jean Gagnon et évidemment le langoureux Philippe Roberge à la console et à la musique. Un immense merci à nos invités, Jacques Duval. Bonne retraite si vous la prenez. Et si vous la prenez pas, on va être très content de lire votre 89e guide l'année prochaine. Évidemment, Richard Bergeron, bonne course à la mairie de Montréal et bon déplacement à pied. Quant à nous, vous pouvez nous suivre sur Twitter, à twitter.com/lasoirée. Nous réécouter grâce à la balado qui est disponible sur notre site. Écrivez-nous si vous voulez assister à la prochaine émission. C'est à 19h le vendredi. Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune. Ouais! Yeah!